L'homme banane essaie de me voler mon spot. Couché à terre, l'homme banane, j'ai... avec sa sacoche d'homme. J'ai fait 4 émissions à Télé-Québec, j'ai jamais eu un seul téléspectateur, et là, pour une fois que j'ai de l'attention, on est en train d'essayer de me voler mon spot. Je trouve ça triste. Hey, d'ailleurs, deux choses. OK, ce sera pas long, Jérôme. Je sais que t'as des nouvelles à faire. Stock. Ma poignée. Deux petites choses. Premièrement, je veux juste dissiper les rumeurs. Je ne suis pas Christian Bégin. Mais c'est personne ne pense à ça. Mais c'est un homme que d'une douceur, d'une chaleur, d'une intense... J'aime beaucoup Christian Bégin. D'ailleurs, je me touche parfois en pensant beaucoup à lui, à Christian Bégin. Comment ça va le boycott de la presse? Ça va-tu, ça avance-tu? On est deux. Il y a moi et la banane. Et Christian Bégin. Okay. On est deux. Et je tiens à dire que c'est un mouvement extraordinaire lancé par un être humain sensationnel.